Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. La Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Robertval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Robertval et fier commanditaire de la chronique de l'instructeur-chef, Patrice Gagnon. On va parler avec Patrice Gagnon, l'instructeur-chef des Sabres de Robertval. Salut Patrice! On rappelle que cette chronique a été commanditée par des caisses Desjardins, Domaine du Roi et également le groupe Véro. Deux défaites en fin de semaine encore pour les Sabres. Défaite de 8 à 2. Ça se déroulait dimanche soir contre les Aiglons d'Allemagne. La première a été samedi, là, à Mastéa. Oui. Oui, mais je veux dire. OK, oui. OK, mais je vais te parler d'elle de dimanche avant, puis après ça, on va venir à elle de samedi. 8 à 2. Donc, dans ce match-là, pas grand-chose à dire, j'imagine? Non, on a bien des choses à dire. Là. Écoute, c'était 2-2 après une période. OK. Puis, c'est un match où, c'est sûr, on n'est pas là pour donner des excuses, là, mais c'est la première fois depuis le début de la saison où on joue à effectif réduit par rapport au fait qu'on avait des suspensions, on avait des blessures, on avait des gars qui étaient absents pour le travail. Puis ensuite de ça, on avait toujours été en mesure d'amener des joueurs affiliés quand on en avait besoin. Et là, on n'a pas été en mesure de le faire. Donc, on était 12, avec 4 défenseurs, 8 attaquants. Mais je veux dire, dans le junior, là, c'est des choses qui se voient à l'occasion. Fait que c'est pas une raison là, qu'on va servir là, pour la défaite. OK. J'imagine que ce qui arrive dans un cas comme ça, c'est que la première période, c'est correct, mais la deuxième période, c'est plus difficile. Ben, on le voit d'ailleurs, là, il y a eu... je checkais le sommaire, mais finalement, c'était plus en deuxième période que c'était une avalanche de buts, là. Oui, ben c'est ça, mais je veux dire... écoute, ce match-là, là, je le qualifie là, de notre pire match depuis la saison. OK. Okay? Écoute, c'est pas compliqué, là. Je pense que le fait que les gars sont arrivés à l'aréna, puis pour la première fois, on était à 12, ils étaient pas prêts à jouer ce match-là. Mm. Puis, écoute, au niveau des consignes, là, du plan de match, là, il y a absolument rien, là, qu'on a suivi, là. OK. Et dans l'autre match, défaite de 7 à 2, ça se passait à Mastouillage contre les Saguenay de Chicoutimi. Oui. 7 à 2, c'est ça, en fin de semaine, là, c'est deux défaites au niveau du pointage, parce que ça n'a pas été facile. Il y a un match, celui de dimanche, où on méritait de perdre 8 à 2. Mais celui de samedi, c'est un 7 à 2, où ce que, je veux dire, on méritait pas ce pointage-là. Là. OK, OK. OK, parce que écoute, c'était 1 à 1 jusqu'en milieu de deuxième période. Okay. Et on échappait le match, là, vraiment, lors d'une présence, là, en milieu de deuxième, là, où ce que... Et on a accordé un but, puis tout de suite, sur la mise en jeu d'après, on n'était pas prêts, là. Puis ils en ont profité pour marquer un deuxième but en moins de 30 secondes. OK. Donc, dans ce match-là, ben, ce qu'il faut... je pensais avoir les marqueurs, mais je ne les ai pas, finalement. Donc, 7 à 2 et 8 à 2. En fin de semaine, pour les Sabres de Robertval, ça dit quoi? Vous avez... Les éperviers ne seront pas faciles, les éperviers qui sont en feu et les Aiglons. Oui, c'est ça. Ben écoute, là, Danny, il n'y en a pas de match facile avec les Aiglons. Non. Okay? Fait que, non, mais c'est encore une fois, là, vendredi, oui, à Normandin, là, les éperviers sont une bonne équipe, puis ça n'a jamais été facile de jouer à Normandin, sauf que nous autres, là, on a un bon entraînement ce soir, là, puis on repart la machine, on tourne la page, puis on se prépare pour la fin de semaine. OK. OK. Donc, on va surveiller ça d'après. Les joueurs qu'il faut surveiller, certainement David Gagnon, 13 buts, 4 passes. Mathieu Deblois aussi, 5 buts. Nicolas Clément, dans les bons joueurs? Oui, il y a une bonne offensive, là. Les éperviers, là, c'est des joueurs rapides, des joueurs qui ont des stabilités. C'est souvent, là, le même genre d'équipe qu'on voit année après année au niveau des éperviers. Mm-hmm. Puis, pour dimanche, là, on a on a bien hâte là, de rendre visite là, pour une troisième fin de semaine consécutive aux Edlons. Après une défaite de 8 à 2 là, contre une équipe, on a hâte là, de rapidement là, de les rencontrer de nouveau. Ben oui, c'est sûr. Pat, on se reparle mercredi prochain. On va revenir mercredi prochain. Oui, on va être là. Voilà, c'était la chronique du décembre de Roberval, présentée par les Caisses des Jardins de Domaine-sur-Roi également, le groupe Véro.